إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va continuer inshallah donc les explications des Arba'in Nawawiyya et nous sommes toujours au Ah oui, il a encore changé. Donc je fais comme ça, je fais connecter. Donc on n'est pas encore rentré dans les explications, dans le détail du deuxième hadith. Donc nous, ce qu'on avait vu, donc nous on s'était arrêté, donc on a, comme je vous avais dit, le hadith 1 et le hadith 5, ce sont les deux hadiths qu'on avait déjà étudiés. Donc vous pourrez écouter ça sur le site là, je vous donne le lien là, inchallah. Donc vous tapez sur Google Karim Ben Amor, K-A-R-I-M espace B-E-N espace A-M-O-R Islam espace Islam, et normalement vous allez tomber sur le site prédicateur, d'accord? Ok, Saad Aziz, le best, alhamdoulilah, barak lafik. Vous avez pris Karim Ben Amor Islam et vous allez tomber directement sur le site là. Vous cliquez, il y aura la rubrique en haut cours audio là, et là vous aurez tous les cours parce qu'on a vu, inchallah. Allah musta'an. Donc on s'était arrêté au hadith de Jibril à l'explication de Cheikh Mohamed Amel Jami rahimahullah. Qui c'est qui peut me résumer sur ce qu'on a vu? Non. L'Ihsan, quand c'est aux côtés de l'islam. Non, oui, c'est ça. C'est l'Ihsan? Non, pas l'Ihsan. Non, L'Iman. Barakallahu fik. Quand c'est aux côtés de l'islam, c'est-à-dire, il faut que tu sois beaucoup plus précis là. Les six piliers, donc c'est croire en Allah. Non, mais c'est-à-dire quand tu dis aux côtés de. Ah, dans un hadith ou dans le Coran. Barakallahu fik. Là, il dit le frère, lorsque si tu lis l'islam et l'Iman dans un hadith ou dans un texte, il y a une différence dans le sens. Que lorsque tu lis Islam seul dans un hadith et Iman seul dans un hadith, la signification diffère. D'accord? Donc, ça c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Sur les cours précédents ou seulement celui de la dernière fois? Si tu peux aussi résumer, comme ça pour les frères. Ce qu'on avait vu aussi dans les cours précédents. Où est Allah? Où est Allah? Donc, on avait vu que Allah est au-dessus de sa création. Au-dessus de sa création? Quel est le plafond de la création? C'est le trône d'Allah. Le trône d'Allah. Et Allah Azzawajal est au-dessus de son trône. Donc c'est haram de dire que Allah est partout. Si vous entendez Allah, quelqu'un qui dit Allah fi kulli makan, c'est un kafir celui qui dit ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a opposé la parole d'Allah Azzawajal. D'accord? خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Où Allah Azzawajal dit الرحمن العرش استوى. Donc il a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. D'accord? L'istiwa, c'est l'ulou. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. On dit ce qu'Allah Azza wa Jal dit, mais on ne dit pas comment est. Ça, c'est haram. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Donc c'est-à-dire que lorsque tu lis le verset, la ayah, ou bien le hadith, tu dis ce qu'Allah Azza wa Jal dit, tu dis ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Allah Azza wa Jal. Sans rentrer dans, mais comment c'est, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'Allah Azza wa Jal se rapproche dans le dernier tiers de la nuit, tu dis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais tu ne vas pas dire comment est le rapprochement d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Alaykoum salam sallallahu. C'est haram de rentrer dans le comment. Et on avait vu la parole de l'imam Malik rahimahullah qui avait dit l'istiwa ma'loum, l'élévation d'Allah est connue puisque c'est Allah qui a dit qui était élevé au-dessus de son trône. El kayfiya majhoul, le comment on ne le sait pas parce qu'Allah nous l'a pas dit. Donc Allah il l'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas informé, tu rentres pas dedans, tu vois. Et il est interdit de poser la question dans cela. Wal iman bihi wajib, croire en cela est obligatoire, qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, tu vois. Wasu'al ali bid'a, et questionner dessus est une innovation, c'est-à-dire sur le comment. Parce qu'il y avait un homme qui était rentré dans la mosquée de l'imam Malik rahimahullah, et il lui avait dit Allah azza wa jalla dit qu'il est élevé au-dessus de son trône, comment, tu vois. Et donc il restait un moment, puis il lui a répondu comme cela. Le fait qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, c'est connu, puisqu'Allah nous l'a informé. Le comment, on ne le sait pas, mais croire en cela est obligatoire, et demander le comment, tu vois, c'est une innovation. D'accord ? Comme par exemple, on avait vu que Allah Azza wa Jal dit clairement qu'il a créé Adam avec sa main. On dit « main » comme Allah Azza wa Jal a dit. Mais on ne fait pas de parallèle entre Allah et sa créature. On ne dit pas que la main d'Allah serait comme « A'oudou billah », ça c'est haram. Parce qu'on se rappelle du verset où Allah Azza wa Jal dit « Laysa ka mithlihi shay wa huwa sami'ul basir » Rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah. Donc on avait vu, c'était quoi la réponse de la shubha, de l'équivoque que celui qui dit que... le lieu, d'accord ? Le lieu est une création d'Allah. Ça, ce sont les ahbesh. Les ahbesh, ils sont présents à Nantes, à Rennes. Les ahbesh, ils sont présents, je crois, à Paris. Et il y en a beaucoup à Marseille, les ahbesh. Il y a des Brest, Nantes. Il y a des وموجودين بكثره في مارسيليا في مارسيليا يعني في جنوب فرنسا et cela les ahbesh c'est une des sectes soufia et eux ce qu'il y a c'est qu'ils te disent qu'il est interdit de demander où est Allah alors que comment déjà on réfute ça comment on réfute à quelqu'un qui te dit c'est haram de demander où est Allah quelle est la réponse une preuve oui quelle est la preuve que Allah est au-dessus de son trône. Oui, mais plus. Oui, mais donnez-moi un hadith. Vous vous souvenez tous de ce hadith, on l'a répété plusieurs fois. Barakallahu fik, Abdelaziz, c'est exactement ce hadith-là. D'accord ? Voilà. D'accord ? C'est Muawiya, si je me souviens, radiallahu, qui avait une. Il y avait une femme esclave. Et il l'avait giflé. Et il s'en est voulu. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh envoyé d'Allah, est-ce que je la libère ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette femme-là. Donc elle est venue, il lui a dit, Aïn Allah, où est Allah ? Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a... Sahih muslim, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a questionné, où est Allah ? Elle a répondu, Fis sama, au-dessus des cieux. Man ana, qui suis-je? Abdullah wa Rasulu, tu es le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam? I'tiqha fa innaha mu'mina, libère-la car c'est une croyante. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté la croyance de cette femme lorsqu'elle a répondu à la question où est Allah. Déjà, les Ahbesh sont réfutés sur cela. D'accord? Puisque le hadith est dans Sahih Muslim. Premier point. Il a attesté de la croyance que. Elle témoigne qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de sa création. D'accord ? Et il a dit que c'était une croyante. Elle n'a pas dit Allah est partout, a'oudou billah. Et on avait vu ce que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, avait dit Man za'ama anna Allah fi kulli makan faqad kafar. Quiconque prétend qu'Allah est partout a mécru. Parce qu'il oppose les textes. D'accord ? Amantum man fi as-sama'a yakhsifu bikum al-ard. Vous sentez-vous en sécurité, dans Surat al-Mulk, vous sentez-vous en sécurité de celui qui est au-dessus des cieux. Et Allah Azza wa Jal dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dans Sourate Al-Hijr, nous avons fait descendre le rappel, yani le Coran, descendre. D'accord ? Si on descend, c'est en haut. D'accord ? C'est de, le du haut vers le bas. D'accord ? Donc, ça, c'est l'équivoque qui est réfuté concernant les Ahbesh. Parce qu'ils ont des dépliants, moi je vous le dis, parce qu'ils ont des dépliants qui distribuent à des gens. Et on se retrouve avec des dépliants dans des endroits où est-ce qu'il n'y a pas d'Ahbesh. Vous voyez ? Où est-ce qu'il y a ça, il est interdit. Et les gens, ils ne savent pas, oh ben non, il ne faut pas dire où est Allah. Questionnez jamais à t'établir où est Allah. Ils vont dire, non, il ne faut pas pressionner sur ça. Subhanallah. Vous allez les voir direct. Eux qui disent qu'ils sont partout. Non, mais eux, déjà, ils n'ont pas de science, donc ils ne peuvent pas répondre. Donc, ils vont te dire, non, il ne faut pas parler sur cela, parce que ce sont des soufis, hein, Jama'at al-Tablir. D'accord ? Ce sont des soufis. Hein. Donc, ils se rejoignent avec la croyance soufie de ces Mubtadi'a d'Ahbesh. D'accord ? J'ai oublié de mettre ça en marche. Donc, ça, c'était ce point-là. Quelqu'un, il vient avec un équivoque et il vous dit, mais le lieu, c'est une création. D'accord ? Le lieu, c'est une création. On lui dit oui, c'est une création. Mais il te dit, mais le fait que tu dises qu'Allah est au-dessus de sa création, donc tu as attribué à Allah un lieu. Vous voyez la Shoba ? L'équivoque ? Comment on réfute cela ? Comment on réfute cela ? Vous avez donné la réponse la semaine dernière. Avec la créature, elle s'arrête vraiment... Barakallahu fik. On avait dit que le trône d'Allah Azza wa Jal, c'est... La plus grande C'est la plus la grande fin, des créatures. Et c'est le plafond de toutes les créatures. Donc, de là jusqu'en bas de cela, tout cela, c'est créature. Mais au-dessus de la création, c'est-à-dire au-dessus du trône, c'est Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de créature. D'accord ? Il n'y a pas de créature. Donc, tu ne peux pas appliquer le concept temps et lieu. Tu ne peux pas appliquer le concept lieu pour pour au-dessus de la création. Est-ce que c'est clair ça ? Parce que le temps, c'est une créature. Parce que voilà, le lieu, c'est une créature. D'accord ? Et donc, ce qu'il y a, c'est que tu ne peux plus appliquer le concept lieu au-dessus du trône d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah n'est pas une créature, mais c'est le créateur. D'accord ? Et donc, il n'y a plus de concept de lieu. D'accord ? C'est clair ça pour ça ou là c'est... Bon, alhamdoulilah. Donc ça c'est... Alhamdoulilah, c'est sur ces points-là. Pour le moment, est-ce que c'est clair ou là... S'il y a un truc qui n'est pas clair, il faut le montrer. Trois niveaux. On avait vu également dans le hadith de Jibril, Barakalofik, les trois niveaux qu'il y avait. On avait qu'il y avait l'islam, qui est large, car regroupe les musulmans. Puis ça se rétrécit, iman, parce qu'il y a un peu moins de monde. Et ihsan, il y a très peu de monde à ce niveau-là. C'est que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Lorsque tu atteins ce niveau-là, que tu adores Allah comme si que tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. D'accord ? Donc ça, il y en a très peu qui sont à ce niveau-là. Ça veut dire que tu imagines, tu es dans ta salette, dans un khushu'a, dans une crainte pieuse. Subhanallah. Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là ? Il y avait parmi les salafs, les pieux prédécesseurs, il y en avait un qui avait un mal au niveau de ses jambes. Ils lui ont dit, le seul moyen, c'est de te les couper. Il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Hein. Tu sais, ils vont te mettre sous anesthésie, ils vont couper la jambe. Subhanallah. Il leur a dit, attendez que je sois en prière. Subhanallah. Lorsqu'il était en prière en soujoud, et ils lui ont coupé la jambe, il est dans sa prière. Ouais, c'est top, là, c'est vraiment top. D'accord. Et après, il s'est évanoui direct après que ça. Il n'y a pas eu de. Tu vois, les cris. Ah, il m'arrête, tu me tortures, là, subhanallah. Yani, parce que lui, il est complètement dans sa salette. Voilà, c'est pas comme nous, on est là. On est comme ça, on va penser qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, je sais pas quoi. À croire que, tu vois, on a espoir que... Yani, on pense qu'on va pas mourir, là. Subhanallah. Vous voyez ? C'est-à-dire, Allah al-Musta'an, qu'Allah nous guide et nous augmente notre savoir. Amin. Et le waswas aussi. Naam. Et le waswas aussi qui joue beaucoup dans... Naam, mais après il y a le diable. C'est-à-dire le diable, il va te voler de ta salate. Il va te faire rappeler ce que tu as oublié. Tu sais plus. Alors on pense tellement à tellement de choses, on sait même plus si on a récité la Fatiha ou on a récité directement la Sura. Tu vois? On est... Est-ce qu'on a fait 3 ou 4 avant de 5 rendez-vous que tu avais oublié. Voilà. Ou bien le shaitan, il va te... Une chose que tu as oubliée, il va te faire rappeler où est-ce qu'elle est. Ouais, tu vois fou, ça, pour essayer de te distraire de la salette. Ou bien, ah non, il y a des gens qui volent les chaussures. Donc, tu vas réussir à penser à ta nouvelle paire de baskets, subhanallah. Yani Allah al-Musta'an, c'est... Vous voyez. C'est pour ça que... Islam, Iman, Ihsan. D'accord. Et on a vu, comme le frère Giovanni, barakallahu fi, avait mentionné... Tu as reçu les livres, Giovanni? Les livres tu... J'en ai eu un. Normalement, il y en a. Inch'Allah, bidnallah. Mais de toute façon, il y a les Arba'in Nawawi, je t'ai dit, ils sont en rupture de stock. J'ai pu en recevoir que deux. Donc j'attends qu'ils m'envoient un email pour me dire, pour les réapprévisionner. Inch'Allah. Donc on s'est arrêté à l'explication de Cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah, qui disait que quelqu'un qui se convertit à l'islam, qui dit les deux attestations de foi, d'accord, il les prononce, ça y est, il est rentré dans l'islam. Son sang et ses biens deviennent sacrés. D'accord. Maintenant, il est sous le test. D'accord. Si on voit de lui que il a de l'envie à rechercher la science, ou bien c'est l'heure de la salette, et il demande comment prier, ou bien il prie, il voit, yani, il sait pas, yani, il y en a, ils se sont convertis, ils ne savaient pas comment prier, ils ont vu les gens dans le rang, ils se sont mis à suivre le rang, ils se sont mis à prier avec eux. Tu vois qu'ils ont de l'envie à rechercher la science. Et ils demandent comment prier, ils demandent comment. Et Yahri, je suis convaincu de cela. Convaincu de cela. Il y avait un frère, alhamdoulilah, Allah l'a guidé, c'est un converti, un français, c'est-à-dire qu'il n'a pas le ma'andouche de l'oral arabie, ou un d'achal fil islam, ma'andouche de l'oral arabie, ma'andouche de notre bel ha, ou la bel aïn, ou la bel sod, ou la ma'andouche de notre aïn. Ou la kin hawa firansi, fi khamsayem, hafida surat al-fatiha. Donc c'est un converti, ou est-ce que lorsque je le. Voilà, alhamdoulilah, l'islam lui a été expliqué et tout cela, Allah l'a guidé, alhamdoulilah. Je lui ai dit ce qu'il doit prononcer. Il dit subhanallah, Allahu akbar, alhamdoulilah dans un papier. Le temps qu'il apprenne la Fatiha, je lui ai dit si tu apprends un verset par jour, il y a 7 ayats la Fatiha. Il a qu'un yahfaz ayat كل يوم في اسبوع حفظ الفاتحه ولكن هو كان عنده رغبه في الدين ففي في 5 ايام حفظ الفاتحه وحفظ التشهد وصلاه الابراهيميه subhanallah. هو ما عنده النطق يعني باللغة الفرنسية ولكن هذا عنده الرغبة هذه سبحان الله. Donc vous voyez, c'est que il n'avait pas la prononciation du aïn ou la du kha ou la du, vous voyez la prononciation que les Arabes peuvent avoir. Donc en 5 jours, parce que moi je lui ai dit chaque jour tu vas apprendre un verset de la Fatiha et au bout de 7 jours tu auras la Fatiha. Akhi subhanallah. Donc je lui ai transmis un résumé sur les grandes les ablutions, les petites ablutions, qu'est-ce qui annule les ablutions. Donc pour qu'il a ça, il l'a lu, il l'a revu, il l'a appris, subhanallah. En 5 jours, il connaissait la Fatiha, il connaissait le Tashahud et il connaissait la Salat Ibrahimiyya. En 5 jours. Donc il y a Eri, on peut me dire tout ce que tu veux. Non, mais il me faut du temps. Subhanallah, il y en a qui se convertissent. Il habite juste là, en face là. Disons, vous voyez, elle dit là. Il habite juste là. Il refuse de venir prier. Il te dit, attends quoi? Subhanallah. Yani, moi, ce cas-là là, que je viens de vous mentionner, c'est pas un cas qu'on m'a raconté. Yani, c'est le frère. J'étais avec lui, je lui disais de prononcer. On avait le truc et à chaque. Déjà, il venait prier avec nous, je lui disais ce qu'il devait dire. À la place de la Fatiha, le temps qu'il l'apprenne. Subhanallah. Et ça a pris que 5 jours, 5 jours, il était à fond, subhanallah. Il a appris ça. il a connu les deux attestations. Yani, akhi, en cinq jours, fi khamsa ayam, arifa ma'na shahadatayn, arkan al-islam, arkan al-iman, at-tashahud, salat al-ibrahimiyya, yani kayfiyat al-wudu, ma yanqudhu al-wudu, subhanallah, yani. يعني ولكن اليوم عندك بعض الناس يدخلون في الإسلام ويقولون لا الشيطان الشيطان يعني يمنعني أن ذلك إن شاء الله سوف سبحان الله يتوني trouve des excuses pour إن شاء الله je vais apprendre oui je vais apprendre et il refuse de prier. Donc Cheikh Mohamed Amel Jami rahimallah, il a dit celui qui prononce les deux attestations de foi il est musulman, d'accord. Maintenant il est sous le test. Si on voit de lui une envie à rechercher le savoir, d'accord ? Une envie à rechercher le savoir, à s'éduquer dans la religion, ou bien c'est l'heure de la prière, et il veut à tout prix prier. Il rentre, ou il demande comment prier. On atteste qu'il est musulman. Mais si on voit de lui que il a de la paresse à rechercher le savoir, on ne voit pas de lui une envie. On ne voit pas de lui une envie à rechercher le savoir, ni à demander sur la salette, ni rien du tout. Eh bien, il dit que ça, c'est un murtad, un apostat. D'accord ? Et on avait vu la définition du murtad, c'est quoi ? Oui, mais la définition linguistique, ça veut dire quoi, le murtad ? Ridda, c'est quoi ? C'est Ar-rujou'a. Ridda, c'est Ar-rujou'a. C'est le retour vers ce qu'il était. D'accord ? Alors que le fisq, c'est quoi ? Le fisq, c'est quoi ? C'est dans ? La perversité. Non, on l'avait expliqué ça, subhanallah, dans le détail, dans le musta'an. Je ne veux pas de réponse adilienne, j'ai dit dans le musta'an. Ça, c'est. Inch'Allah, les frères, c'est dans le cours sur les catégories de tawhid. Celui-là, il y a toutes les définitions dedans, inch'Allah. Le fisq, c'est al-khuruj. C'est le fait de sortir de min ta'atillah, de sortir de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et on avait vu aussi les définitions de dalal, c'était quoi ? Ça peut être comme l'oubli, ça peut être l'égarement, ça peut être comme la faute. D'accord ? Et on avait vu ça dans le détail. Dans le cours sur les catégories de tawhid. Je crois que les derniers cours, c'était pas là, non ? C'est dans le site, tu les trouves, Inch'Allah. Donc, vous voyez, donc on avait vu ce qu'il avait mentionné. Donc, c'est pas juste. Et donc, la foi, c'est quoi, Giovanni, barakallahu fik ? Comment on définit la foi ? L'iman, du coup, on a dissocié... Je parle pas des six piliers. Hein. Si on te dit la foi, c'est quoi chez les gens de la sunna ? La foi, c'est de... Et du consensus. En Allah, avec son cœur. Oui, c'est la croyance avec le cœur. Barakallahu fik. Ça, c'est Ahl al-Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus. L'Iman, c'est i'tiqad fil qalb, une croyance dans le cœur. Qawl bil lisan, la parole avec la langue. D'accord ? Wa a'mal al jawarih, et l'action des membres. D'accord ? Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus, à l'opposé des Murji'a, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, ça, un peu résumé. Inch'Allah, et puis vous pouvez aller voir dans le détail dans le cours précédent, Inch'Allah. Donc là, on était arrivé aux explications maintenant de Cheikh al-Sheikh Hafidhullah concernant al-Farq bayn al-Iman ou l'Islam, la différence entre l'Iman et l'Islam. Donc il dit wa hadha al-hadith فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. Dans ce hadith-là, il y a le rappel de l'islam, l'iman, qu'on peut traduire par la foi, et l'ihsan, l'excellence. D'accord ? وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين. Et cela montre que ces trois-là, l'islam, l'iman et l'ihsan, l'excellence, tout ça, c'est la religion. C'est la religion. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi ? Il dit لِأَنَّهُ فِي آخِرِهَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ. Parce qu'il a dit à la fin du hadith, Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc, on voit bien que Islam, Iman, Ihsan, l'islam, la foi et l'excellence, tout ça, c'est din, c'est la religion. D'accord ? وهذا نخلص منه إلى قاعدة مهمة وهي أن الاسم العام قد يندرج عنه قد يندرج فيه أنواع منها الاسم العام. Donc il y a une règle ici que l'on comprend de cela, c'est que le nom général, eh bien, il peut découler un autre sens. D'accord ? Du nom général, par exemple l'islam, eh bien, il peut avoir un autre sens, comme on l'avait déjà vu la semaine dernière, comme le frère Giovanni l'avait mentionné. لأن الإسلام هو الدين فجمع هذه الثلاثة. Parce que l'islam, c'est quoi ? C'est la religion. Mais il regroupe aussi ces trois-là. C'est comme tu avais dit la semaine dernière, l'iman et l'islam ensemble, c'est un sens différent. Barakallahu fik. Par rapport à l'islam seul. Barakallahu fik. Mais là, tu vois, l'islam, qui est la religion, ça englobe l'islam, iman, ihsan. Est-ce que là c'est clair? Vous voyez l'islam qui est la religion, l'ism al-am, le nom général, il est différent de l'ism al-khas. Il est différent du nom qui est précis dans ce hadith-là pour l'islam, iman et ihsan. Islam de ce nom-là diffère du nom de l'islam qui est la religion dans sa totalité. C'est clair ça? Inch'Allah, barakallahu fik. لأن الإسلام هو الدين فجمع هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام منه الإسلام. Donc l'islam, la religion qui est l'islam, il y a de l'islam, ce qui est utilisé ici comme le mot islam dans le hadith, les cinq piliers, d'accord? Il y a les cinq piliers de l'islam et il y a l'islam qui est, on te dit c'est quoi ta religion, tu vas dire c'est l'islam, ça veut dire la totalité qui inclut l'islam, l'iman et l'ihsan, on est d'accord? Donc il dit, فالإسلام منه الإسلام وهذا مهم في فهم الشريعة بعام. Et ceci est important pour comprendre la législation en général. لأن من الألفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته. Parce qu'il a dit, dans la prononciation d'un mot, il se peut que ce mot-là lui-même ait une catégorie où est-ce qu'il porte le même nom. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai des étagères. Première étagère, je mets sur l'étiquette Islam. Une deuxième étagère de mon bureau, je mets sur l'étiquette Iman. Et une troisième étagère de mon bureau, je mets sur l'étiquette Ihsan. D'accord ? J'ai trois étagères différentes. D'accord ? Ou est-ce qu'elles contiennent des choses différentes dans ces étagères-là ? D'accord ? Cependant, l'islam, ce sont toutes mes étagères-là. Ça englobe toutes mes étagères. Mais l'islam qui englobe toutes mes étagères, vous voyez que le mot lui-même, islam, il diffère du mot islam ici, qui contient là les cinq piliers. D'accord ? Donc le nom général diffère du nom spécifique. D'accord ? Et ça, c'est important donc, pour comprendre dans la législation. C'est vrai qu'en français, on n'a pas ce problème-là. Si, c'est existant. Il y a des mots polysémiques. Par exemple, t'as le mot bras. Non, mais par rapport à ces termes-là, je parle. Bah oui, justement. Par exemple, donne-nous un exemple, un autre. Un exemple, par exemple, le mot bras. Le bras, dans un contexte, ça va être le bras là. Ouais. Ça peut être le bras d'une entreprise, le bras droit, un bras mécanique. Mmh. Et sauf que le mot bras, c'est un bras. Voilà, vous voyez là, un bras, un nom général. Après, sa spécificité peut... Là, moi, je parlais pour moi par rapport à ça, c'est sûr qu'après, il y a d'autres... Non. Après, là, effectivement... Quand on parle des cinq piliers, on dit les cinq piliers de l'islam. Donc, voilà. On pense aux cinq piliers. Voilà, exactement. Parce qu'on sait que c'est les cinq piliers de l'islam. Lorsqu'on parle des cinq piliers, là, ça rapporte à l'islam qui est spécifique, là, aux cinq piliers. Tu rentres pas dans le détail. Non, voilà. D'accord ? Si tu commences à détailler... Général, l'islam, on va te dire, c'est quoi ta religion ? Tu vas pas dire, ma religion, c'est juste les cinq piliers de l'islam. Faut que tu détailles. Ou alors, l'ihsan... D'accord ? Ordonner le bien et interdire le blâmable, est-ce que ça fait partie de l'islam ? Ben oui, d'accord ? Mais ils ne sont pas dans les piliers, on est d'accord ? Donc l'islam, l'islam qui est le nom spécifique ici, d'accord ? L'héritage, barakallahu fikum, dans l'islam, l'héritage. Ça fait partie de l'islam, d'accord ? Ça fait partie de l'islam. Comment sont divisés un tel, il va prendre ça en héritage, un tel, il va prendre ça en héritage, d'accord ? Ça fait partie de l'islam, mais vous ne le trouvez pas dans écrit qu'il y a l'héritage, un pilier qui s'appelle héritage, vous voyez ? Ou bien un pilier qui s'appelle... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on voit ici la différence entre... Soit c'est une généralité, une globalité... Il y a l'islam qui englobe tout. C'est notre vie en général, non, moi, lorsqu'il est dans un texte, lorsqu'il est seul. D'accord ? Lorsque par exemple... Mais c'est pas par exemple dans le même hadith, là vous avez... C'est quoi l'islam ? C'est quoi l'iman ? Là ça diffère l'islam, le nom, ça diffère de... L'islam qui est la religion dans sa totalité. Dans le Coran, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs significations quand on parle de l'islam. Par rapport à le fait si ça peut parler de la globalité en général. Naam. Spécifiquement, soit... Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit « Ulaika kataba fi qulubihim al-iman ». Cela, Allah Azza wa Jalla a écrit dans leur cœur. Al-iman, là la foi, d'accord ? Mais là, l'iman, c'est la religion dans sa totalité. Ils ont accepté l'islam dans sa totalité. D'accord ? Et ça diffère du mot « imen » qui est pris dans le hadith, dans le texte, avec le mot « islam ». Parce que là, l'imen, ça réfère au six piliers de la foi. D'accord ? Mais vous allez voir, Inch'Allah, lorsque il va poursuivre avec cela, ça va beaucoup plus s'éclaircir. Et là, on est vraiment arrivé au stade supérieur, hein, Inch'Allah. Al-Musta'an. Ah bah oui, akhi. Al-Musta'an. Qu'Allah nous facilite, amin. Donc, yani, il dit... لأن من الألفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاتي. Parmi la prononciation, il y a une des catégories, c'est-à-dire dans mon exemple, une des étagères, qui a le même nom que le général. Est-ce que c'est clair, Azakari ? Je te sens perplexe. C'est bon, c'est juste, Inch'Allah, alhamdulillah. Surtout, faut pas hésiter, Inch'Allah. فالاسم العام غير الاسم الخاص. Le nom général diffère du nom spécifique, d'accord, particulier. On se rappelle, l'islam, la religion dans sa totalité, ça implique iman, ça implique l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ça implique tout ce qui inclut l'islam. Et le nom spécifique, les cinq piliers d'islam. D'accord ? Nom spécifique, les cinq piliers de l'islam. Wa li hadha naqul, al-ism al-'am lil-islam yashmal al-islam wal iman wal ihsan wa laysa huwa al-ism al-khas. Donc il dit, c'est pour cela que l'on dit que le nom général, c'est-à-dire l'islam, nom général, inclut l'islam, iman et ihsan. D'accord ? Le nom général inclut islam, iman, ihsan. D'accord ? Et le nom général n'est pas le nom en particulier, comme j'expliquais tout à l'heure. D'accord ? Il n'est pas le nom en particulier, il diffère, son sens diffère, ça dépend s'il vient avec le mot « iman » et avec le mot « ihsan ». On est d'accord ? Tu trouves dans un texte, tu lis un texte, tu lis dans le même texte, dans ce hadith-là par exemple de Jibril, tu lis que c'est mentionné l'islam et c'est mentionné l'iman, eh bien ici le mot « islam » et le mot « iman » diffèrent du sens général du mot « islam ». Voilà, barakallahu fik. D'accord ? لهذا لم يلاحظ هذا الأمر طائفة من أهل العلم. Il dit c'est pour cela qu'il y a une minorité parmi les gens de science qui n'ont pas souligné cela. فجعلوا الإسلام والإيمان واحدا. Ils ont dit que l'islam et l'iman ne sont qu'un seul. D'accord. ولم يفرقوا بين الإسلام والإيمان. Et ils n'ont pas différencié entre l'islam et l'iman. Lorsque c'est ensemble. Hein. Eux, ils disent que non, c'est la même chose. Il y a une minorité, parce qu'ils ont dit non, c'est la même chose. D'accord ? Ils n'ont pas, ils font pas de différence entre cela. D'accord ? حَتَّى عَزَّ بَعْضُهُمْ هَذَا الْقَوْلِ لِجُمْهُورِ السَّلَفِ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. Et certains ont attribué cela à une partie, yani une majorité des prédécesseurs. Mais il a dit, mais ça, ce n'est pas correct. فَإِنَّ السَّلَفِ فَرَّقُوا ما بين الإسلام والإيمان إذا كان هذا في مورد وهذا في مورد إذا كان الإسلام والإيمان في مورد واحد. Ils ont dit, mais les salaf, les prédécesseurs, ont différencié entre eux l'islam et l'iman lorsque un est dans un texte et l'autre est dans un autre texte. D'accord ? Tu lis l'islam tout seul dans un texte, ça diffère de son sens lorsque tu le lis islam et imam dans le même texte. On est d'accord ça ? أما إذا كان الإسلام في مورد والإيمان في مورد يعني هذا في سياق وهذا في سياق هذا في حديث وهذا في حديث فالإسلام يشمل الدين جميعا والإيمان يشمل الدين جميعا فإذا هذا الحديث فيه بيان الإسلام بمراتبه الثلاثة. Donc il dit, mais lorsque tu lis ça tout seul dans un texte, Islam tu lis tout seul dans un texte et celui-là Iman dans un autre texte, eh bien l'islam signifie la religion dans sa totalité. L'iman dans un autre texte signifie la religion dans sa totalité. Donc là, est-ce que c'est clair ou il y a des choses qui ne sont pas claires? C'est clair là? C'est ce qu'on a vu depuis le début. Ça. Ouais, ça c'est barakallahu fik. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Non, on n'a fait que 40. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. L'islam, huna, fassarahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil'amal al-zahira. Ici, le mot islam, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme étant les œuvres des membres qui sont apparentes. D'accord ? Les œuvres apparentes, pardon, plutôt pour être plus précis. L'islam, huna, fassarahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil'amal al-zahira. Donc, l'islam a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, dans ce hadith-là, comme étant les œuvres apparentes. D'accord ? وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ الْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ. Et il n'inclut pas les œuvres qui sont cachées. Ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur. D'accord ? L'islam ici, ça mentionne quoi ? Ce sont les œuvres qui sont apparentes. D'accord ? Dire les deux attestations de foi, c'est apparent ça. Les prononcer. Tu les dis, la personne t'entend, c'est apparent. Faire la salat, c'est apparent. Donner la zakat, c'est apparent. Faire le siyam, c'est apparent. Le hajj, c'est apparent, tout cela, d'accord ? Donc, ce qui est mentionné ici, ce sont les œuvres apparentes. Mais les œuvres cachées, c'est-à-dire à l'intérieur, d'accord ? Ne sont pas inclus dans le mot islam ici. Il dit... وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ الْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ أَوْ بَعْدَ الْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ. Il n'inclut pas les œuvres cachées ou une partie des œuvres cachées. On va comprendre. وَمَعْنَا هَذَا أَنَّ الْإِسْلَامِ إِسْتِسْلَامِ ظَاهِرِ وَهَذَا الْإِسْتِسْلَامِ الظَّاهِرِ يُخْبِرْ عَنْهُ بِشَهَدَتَيْنِ وَبِيقَامَةِ الْأَرْكَانِ الْعَمَلِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ. Donc c'est comme j'ai expliqué. Ces œuvres apparentes-là, c'est de prononcer les deux attestations de foi et agir sur les quatre autres piliers. D'accord ? Wa shahada fi nafsiha lafd fihi li'i'tiqad. L'attestation en elle-même, c'est quoi ? C'est une prononciation. Mais qui inclut quoi ? C'est pas juste une prononciation, qui inclut une croyance. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est là, l'aller du cœur. Tu dois la prononcer. Parce que tu y as cru à l'intérieur. D'accord ? D'accord ? Voilà. Tu dois la prononcer parce que tu y as cru. D'accord ? Donc, il dit bien وَشَهَدَ فِي نَفْسِهَا لَفْظ فِيهِ الْاِعْتِقَادِ وَالْتَحَدُّثِ وَالْإِخْبَارِ الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامِ. La prononciation, donc, les deux attestations de foi en elles-mêmes, c'est une prononciation qui contient la croyance. Donc la croyance, c'est quelque chose de caché. Et qui contient le fait de le dire. D'accord ? Et qui contient le fait de l'annoncer. Donc il y a le dire, annoncer, tout ça c'est apparent. Mais ça inclut également la croyance. D'accord ? Wa ala hadha, face à la salaf, Kalima Shahida. Et c'est pour cela, et sur cela, les prédécesseurs ont expliqué le terme Shahida, témoigner littéralement, ça veut dire témoigner littéralement, hein, mais on va voir le sens que ça a. Fa qawluhu jalla wa ala. Apparat d'Allah Azza wa Jal. شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Dans la traduction du sens du verset, Allah, alors c'est pour ça que je dis, c'est littéral là, hein. Si on veut faire littéralement, Allah entre guillemets atteste, d'accord, mais on va voir le vrai sens. Que les anges, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en toute vérité à part lui. D'accord ? Il dit Shahid Allah, ma ma'nahu. Qu'est-ce que ça veut dire Shahid Allah ? Qu'Allah, littéralement, a, entre guillemets, attesté. Est-ce que c'est. Il dit Hal Allah yashhad bi ma'na. Il dit le sens c'est quoi? C'est-à-dire quoi exactement attester? Il dit, eh bien le sens c'est quoi? C'est que yashhad bima'na yu'allim wa yukhabbir. Wa yukhbir, pardon. Wa yukhbir. Yu'allim wa yukhbir. Yu'allim wa yukhbir. Il informe, d'accord? Il enseigne et il informe. Lorsque tu dis littéralement dans le si on veut maintenant faire la traduction du sens du verset, Allah a informé, enseigne, d'accord, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté lui. D'accord. Donc il dit فإذن شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه الشهادة فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون عذر شرعي فإنه لا شهادة له. Donc celui, donc il dit que l'attestation de la ilaha illallah, qui implique quoi l'attestation? Ça veut dire quoi? C'est pas juste le terme attesté là. Attesté, ça veut dire que tu dois informer les gens. L'attestation c'est quoi? C'est que c'est informer. D'accord? Le sens de l'attestation ici, c'est que vous dire quoi? Ça veut dire que tu informes. Certes, tu le témoignes, mais tu l'informes. D'accord? Il dit, quiconque donc témoigne de cela avec son cœur, d'accord? Mais il le cache dans son cœur, ça veut dire qu'il ne va pas le prononcer, il ne va pas le dire, il ne va pas le prononcer aux gens. Sans aucune excuse légiférée, comme on va le voir dans une autre explication. Là, il n'est pas muet. S'il est muet, il a une excuse. D'accord ? L'individu, il n'est pas muet. Il peut parler, il peut le prononcer, mais, eh bien, il dit qu'il prononce et dans son cœur, sans le prononcer. D'accord ? Eh bien, celui-là n'a pas d'attestation. Parce qu'il doit le prononcer. Parce qu'on sait que Shahida, là, c'est la signification, c'est informer, là. D'accord ? Tu le témoignes et tu l'informes. بل بد في الشهادة من حيث اللفظ الذي دلت عليه اللغة. Mais tu te dois donc de le prononcer. Tu ne peux pas dire alors que tu peux parler, alors que tu peux le prononcer. Tu te dois de le prononcer et le dire. D'accord ? وأيضا من حيث الدليل الشرعي لا بد فيها من الإظهار. Et même avec les preuves selon la législation, il est essentiel qu'il y a que tu dois faire apparaître cela de toi. Tu ne peux pas dire dès que tu dis à quelqu'un vas-y prononce les deux attestations de foi, il te fait non. Tu vois ce que je veux dire? Il doit les prononcer, Harry. Hein? Il doit informer les gens que lui, il atteste également. D'accord ? Et même dans les preuves, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'individu se doit donc de les prononcer et informer. D'accord ? وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِمَعْنَى الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ. Et cela est en accord avec le fait que l'islam, ce sont les œuvres apparentes, parce que ça doit apparaître de l'individu. D'accord ? On avait vu les deux attestations de foi ? comment ça peut faire partie des œuvres apparentes, c'est que lui, il doit le prononcer. Il doit informer les gens. La salat, œuvre apparente. Zakat, œuvre apparente. Siyam, œuvre apparente. Hajj, œuvre apparente. D'accord ? Donc l'islam, c'est quoi ? Ici, ce sont les œuvres apparentes. D'accord ? فَإِذَنْ دُخُولَ الشَّهَدَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةِ رَاجَعَ لِمَعْنَ الشَّهَدَةِ. Donc le fait que les deux attestations de foi, d'accord, en islam, qui font partie des œuvres apparentes, comment on le sait cela? Eh bien c'est pas lorsqu'on comprend maintenant le sens de shahida, ça veut dire que tu dois là, que tu dois informer, tu dois informer, d'accord? Certes, tu dois y croire, sincèrement avec le cœur, et tu dois informer, le prononcer. Si tu ne le prononces pas, tu n'as pas d'attestation de foi. D'accord ? وَهُوَ أَنَّ مَعْنَ الشَّهَادَ الْإِذْهَارِ. Le sens de la shahada, c'est quoi ? Du témoignage, littéralement. C'est quoi ? C'est le fait de rendre apparent. D'accord ? C'est de rendre apparent. D'accord ? يَعْنِ بَعْدَ الْإِعْتِقَادِ. Après la croyance, الْإِذْهَارِ وَالْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ. Donc après avoir cette croyance-là, tu dois, après avoir la croyance, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi tu vas les prononcer et pourquoi tu vas informer, d'accord ? Parce que tu crois avec sincérité tout ce que cela implique, d'accord ? Tu l'as accepté, tu l'as aimé, d'accord ? Et donc ce qu'il y a, c'est que, voilà, tu vas informer, tu vas le prononcer, et donc la prononciation fait que les deux attestations de foi rentrent dans les... les œuvres apparentes. C'est pour cela que là, l'islam ici dans ce hadith-là, ce sont les al-a'mal al-dhahira, les œuvres apparentes. D'accord ? Et on voit qu'il faut la croyance hein, des deux attestations de foi. Parce que si tu n'y crois pas et que tu le dis, c'est qui ça ? Il n'y croit pas mais il prononce, c'est qui ça ? Les munafiqin, barakallahu fik. D'accord ? C'est comme l'imam al-Qayyim rahimallah avait mentionné sur... sur le nifaq, d'accord ? Et ce que les savants parmi les pieux prédécesseurs ont mentionné, le munafiq yuzhir al-islam wa yubtin al-kufr. Il montre l'islam et cache la mécréance. D'accord ? Donc même s'il prononce, d'accord, mais lui il n'y croit pas. C'est pour ça qu'il est essentiel que il y croit. Donc ça fait rentrer ce premier pilier loi qui doit y croire. Et comment que ça fait impliquer que l'islam ici ce sont les œuvres apparentes, c'est parce qu'il le doit de le prononcer. C'est clair pour le moment ? Inch'Allah. وهنا يأتي الاعتقاد. اعتقاد الشهادتين يرجع إليه لأنه في معنى شهد يرجع إليه أركان الإيمان جميعا. D'accord ? Il dit ici que tu dois avoir la croyance de ce qu'implique les deux attestations de foi, on est d'accord ? Tu dois avoir cette croyance-là. Et cette croyance-là, elle est liée à quoi ? Elle est liée à tous les piliers de la foi. Lorsque tu vas croire aux deux attestations de foi, tu vas automatiquement croire, tu te dois d'automatiquement croire à tous les piliers de la foi. Est-ce qu'on voit le lien là ? Qu'il y a entre le premier pilier de l'islam, l'islam dans ses cinq piliers, qui sont les œuvres apparentes, d'accord ? On avait vu comment les deux attestations de foi peuvent faire partie des œuvres apparentes, et bien on avait dit dans la prononciation, le fait de rendre ça apparent, d'accord ? Mais ce qui est inclus dans le premier pilier, c'est que ça inclut la croyance, tu dois y croire avant de le prononcer. Et le fait que tu y crois, c'est que tu te dois de croire, donc, à tous les piliers de la foi. Automatiquement. Commencer par vraiment le... Non, mais quelle est la secte qui renie un des piliers de la foi ? Le jour du jugement dernier. Ouais, c'est qui ? Les Américains. Non, la c'est secte américaine. Qui s'appelle comment ? Non, Black... Oui ? Black... Les Black Muslims. Black Muslims, ouais. Black Muslims, في أمريكا, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y لا هذا يعني كان قبل مع مع هذا الحزب يسمى بلاك مسلم يعني المسلم يعني الكحلان يعني يكونوا يعني كان عندهم عصبية يعني نفس اللون فهم ضد الناس الذين ليس لديهم نفس اللون فيعني كان عندهم عصبية في فيها ليس بلاليون كان هناك فرقة بلاليون الله أعلم هذا ممكن ممكن الله أعلم non mais après qu'une fois que Malcolm X donc faisait partie des Black Muslims non mais après ils ont influencé Muhammad Ali Klein vous savez lorsque mais après Allah Wa'ala moi je sais pas exactement sur quoi ils sont morts mais ce qui est connu c'est qu'ils se repentit de cela alors la secte des Black Muslims aux États-Unis ce ne sont pas des musulmans on est d'accord eux ils renient le dernier pilier de la foi qui est ils ne croient pas au jour de la résurrection ils pensent que tout est non mais ils disent que donc c'est pour ça que lorsqu'il y a des douats qui leur parlent et ils leur disent mais pourquoi enlever le mot islam alors de votre nom ne dites pas que vous êtes les black muslims d'accord eux ils gardent ça donc ça trompe les gens ils pensent que ce sont des musulmans et on voit des gens qui s'affilient des rappeurs Snoop Doggy Dogg je sais pas quoi et puis ils pensent qu'ils sont musulmans en intégrant les black muslims. Naam. Voilà, c'est ça. Alija, Mohamed, ils disent A'oudhu billah. Yani, ça, c'est un égarement total. Donc, ce ne sont pas des musulmans, c'est des kofars. Pourquoi ? Parce qu'ils ont renié un pilier de la foi qui est le jour de la résurrection. D'accord ? Donc, il ne faut pas penser. Il y en a, ils ont eu des photos dans leur. Dans leur portable là, des black muslims, des soi-disant des photos de profil. Ils pensent que c'est. Subhanallah, mais il ne faut pas se tromper, il faut connaître. Ils se tiennent sur quoi ? Les Black Muslims ne sont pas des musulmans parce qu'ils renient donc un pilier de la foi, d'accord ? Qui est la croyance au jour du jugement dernier. Ça, c'est ce point-là. Donc, on voit ici l'islam. ولهذا نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة. L'islam, ce sont les œuvres apparentes. D'accord ? ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان. Et il n'est pas accepté, il n'est pas correct, excepté si il a ce qui le lie avec la foi. C'est-à-dire que lorsque toi tu vas croire en ce qu'implique la ilaha illallah, tu es obligé de croire. Hein? Ça va découler que tu es obligé de croire à tous les piliers de l'islam. À tous les piliers de la foi, l'iman. Tu vois ? D'accord ? Donc ça, c'est pour que ce soit correct. Mais en plus, tu dois donc le prononcer. D'accord ? Et là, tu comprends les cinq piliers de l'islam. Donc ce sont les œuvres apparentes. Avec dans le premier pilier de l'islam, le lien avec la croyance aux six piliers de la foi. Tu dois avoir cette croyance claire de ce qu'implique la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Et si tu crois en cela, tu dois croire à tous les piliers de l'iman, de la foi. Ça veut dire que si la définition de la ilaha illallah, elle est fausse, tout ça ne rentre pas dans ton... C'est-à-dire que tu es décalé par rapport aux piliers, par rapport à tout ça. Mais tu es décalé, naam. Par rapport à tout. Parce que si tu ne comprends pas que c'est le tawhid de l'adoration qui est impliqué dans les deux attestations de foi. Et tu crois que la ilaha illallah, ça veut dire que le seul créateur, c'est Allah. Donc, tu auras un problème dans la compréhension de le premier pilier de la foi qui est l'iman billah. Tu vas croire que la foi en Allah, c'est de croire qu'Allah est le créateur. Tout ça, c'est d'avoir la bonne aqida. Exactement. Donc, mais après, ça, c'est le jahl, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il faut espérer que l'individu accepte de s'éduquer. D'accord ? Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est ça. Parce que vous voyez, parce que ça ne se limite pas à cela. Croire qu'Allah est le créateur, ça ne fait pas de toi un musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu les mouchriquines qui avaient cette croyance-là, qu'Allah était leur créateur. Ils nous ont appris depuis 20 piges. Oui. Oui, mais ça, c'est Allah le Musta'an. Si on disait qu'il a créé les cieux et la terre, je dis en Allah, mais ça ne fait pas deux des musulmans. Barakallahu fik, c'est exactement cette preuve-là qu'il faut utiliser d'ailleurs. D'accord ? Donc, ça, c'est pour cela qu'il dit. الإسلام هو الأعمال الظاهرة. الإسلام ce sont les œuvres apparentes. ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان. وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة. Donc tu dois croire aux six piliers de la foi. فالإيمان الواجب يعني la foi qui est obligatoire, ça veut dire أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلما. C'est-à-dire que le minimum pour que l'individu soit musulman, le minimum, hein, c'est qu'il ait dans sa croyance, en plus des deux attestations de foi, les six piliers de la foi. Ça, c'est le minimum. D'accord ? Ça, c'est le minimum. فَالْإِيمَانِ الْوَاجِبْ يَعْنِ يَقَلْ قَدْرْ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ يَصْبَحَ الْمَرْءُ مُسْلِمًا هَذَا مَشْمُولْ فِي قَوْلِهِ أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Tout cela, là, vous voyez le minimum de croyance qu'il faut avoir, ce que je viens de mentionner un peu dans le détail. Tout ça, c'est regroupé dans la première attestation de foi. D'accord ? لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام. Parce qu'il avait dit, parce que donc, le témoignage de cette attestation de foi-là, d'accord ? Ça implique quoi ? Ça implique la croyance. Ça implique la prononciation, tu dois le dire là. D'accord ? Et ça implique que tu informes les gens sur cela. D'accord ? Croyance, prononciation et information. On va dire, on va informer les gens. D'accord ? Nam ? Oui, informer, on va dire. Nam ? J'ai une question, Karim. Du coup, attester, c'est aussi reconnaître les civiliers, les civiliers de la foi, bien entendu. Mais par exemple, reconnaître les livres, il faut qu'on en ait connaissance ou c'est les reconnaître ? Parce que maintenant, c'est un peu difficile de les. Non, c'est croire. Croire en tous les livres qu'Allah a révélés. D'accord. Donc, c'est pas forcément les étudier et y croire. Non, non, c'est. Moi, tu crois ? Non, non, ça c'est. Ça c'est déconseillé. Ça c'est, ça c'est déconseillé aux musulmans. Parce que le problème c'est que. Yani, c'est permis à qui yani, aux étudiants en sciences, tu vois, pour réfuter ces gens-là. Ahmed Dida, ce qu'il faisait, c'était. Parce qu'il parlait souvent et il avait appris apparemment sur les histoires de la Bible par cœur. Et il essayait justement de faire la. Ouais, il essayait de l'utiliser des versets à eux pour essayer de les réfuter. Donc. C'est pas, voilà, c'est pas par exemple comme ça, yani, nous les gens de la masse, si on va se mettre à lire comme ça, d'accord ? Il faut que là, yani, c'est une étude, d'accord ? L'étudiant en sciences qui étudie pour les réfuter. C'est pas tu étudies, tu dis, ouais, je crois que ça c'est le livre révélé par Allah. La Bible, ce n'est pas la parole d'Allah, on est d'accord ? Il n'existe plus. On croit à l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, on croit à la Torah, on croit à Suhuf Ibrahim, Suhuf Moussa, tout ce que Allah Azza wa Jalla a révélé à ses. Prophète et envoyé, on y croit. D'accord ? On ne mécroit pas un seul, d'accord ? C'est comme les prophètes. Donc toi, tu te dois d'y croire. D'accord ? Mais tu ne dis pas que la Bible ou la Torah d'aujourd'hui, c'est celle qui a été révélée à Moussa alayhi salam ou à Isa alayhi salam. Non. On est d'accord, voilà. D'accord, Allah al-Musta'an. Tu as commencé alors à lire le livre. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Donc il dit لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام فتشمل هذه الأمور الثلاثة. Donc d'accord, le fait que tu témoignes, tu attestes, ça implique quoi ? Ça implique ces trois points-là. La croyance. Deuxième point, la prononciation. Troisième point, l'information, le fait que tu vas informer là. D'accord ? Tu vas informer. Et c'est ça que ça regroupe, cette attestation de foi. D'accord ? Parce que la croyance que tu vas croire en ce qu'implique la ilaha illallah, ça rejoint les six piliers de la foi. Là, ça commence à clarifier. D'accord ? Non. Il faut vraiment détailler. Et l'i'tiqad fi shahadatayn, bi la ilaha illallah, hadha huwa l'iman billah. Croire dans les deux attestations de foi, d'accord, que nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, ça, ça fait partie de la foi en Allah. C'est quoi la foi en Allah? Si on te dit le premier pilier de la foi, c'est quoi la foi? C'est quoi l'iman billah? Croire en Allah, c'est quoi? Se désavouer de... C'est quoi? Je veux, je veux pas de réponse adilienne, j'ai dit. Adilienne, parce que... Croire que Allah, c'est la seule divinité, justement, qui est digne de ses attributs. Barakallahu fik. C'est quoi? Ça implique quoi? Ouais. Ça, ce sont les noms et attributs. Donc, c'est croire. La seigneurie. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Abdelaziz, l'adoration. Et le quatrième point? Les noms et les attributs. Tout d'abord, il faut croire en l'existence d'Allah. Iman billah, c'est croire en l'existence d'Allah. Deuxième point, croire à aqsam al-tawhid, aux catégories de tawhid. C'est-à-dire croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Qu'Allah, c'est le seul créateur, le seul qui pourvoit, le seul qui donne la subsistance, le seul qui donne la vie, le seul qui donne la mort, le seul qui fait ce qu'il veut faire. Ça, c'est impliqué dans l'unicité, dans la seigneurie. Et personne n'est égal à Allah dans cela. Personne. D'accord? Parce que rien ne lui ressemble. Et il est l'audient, le clairvoyant. Deuxième point, donc, croire en l'unicité dans la seigneurie. Croire en l'unicité dans les noms et attributs. Je vais laisser ça pour le traduire. Croire en l'unicité dans les noms et attributs. Qu'Allah a les plus beaux noms et attributs. Et que personne ne lui ressemble dans cela. Il est unique dans cela. Lorsqu'on dit qu'Allah est As-Sami', qu'il est l'audient, personne ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Nous, on s'entend entre nous, d'accord? Mais on ne sait pas ce que dans le bâtiment d'en face, ils sont en train de dire. Alors qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'on dit, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on a dans nos cœurs, et il sait ce que toutes les créatures disent. Si toutes les créatures du temps de Adam jusqu'à la fin des temps, tous y se lèvent en même temps, en invoquant Allah Azza wa Jal avec leur propre langue, chacun avec son invocation, Allah Azza wa Jal sait qui a dit quoi, et sait qui pense quoi. Alors que nous, si tu dis à quelques frères de parler tous en même temps, je ne sais même pas, est-ce que c'est Zakari, Yassine, Aboubakr qui a dit quelque chose. Tu vois, tu ne sais pas. Tu entends, tu ne sais pas. D'accord? Donc, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Donc, il est unique dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, et croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ça veut dire que seul lui mérite l'adoration en toute vérité. D'accord? Tu sais que c'est le seul créateur? Seul lui mérite l'adoration. Et on avait vu c'était quoi dans les définitions d'ailleurs. Le shirk c'était quoi? L'associationnisme. C'est le dhulm. C'est l'injustice. Et c'est quoi en fait l'injustice? C'est le fait de placer une chose, mettre une chose qui n'est pas à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quelqu'un il va adorer le pilier. Voilà une vache en Inde. Il va adorer la vache. Donc, il a placé ce qui est l'adoration, il ne l'a pas mis à sa place. Parce qu'il l'avoue, l'adoration à qui? À un animal qui broute. Comme j'avais dit à un hindou au Royaume-Uni, il était dans un kebab et il a dit non, je ne veux pas manger, c'est quoi? C'est de la viande de veau. Voilà, non, je ne mange pas ça. Et moi, je savais pourquoi. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit parce que c'est sacré. Je lui ai dit tu adores? Regarde, tu adores un animal qui broutait de l'herbe, qui ne peut même pas se défendre, et qui a fini dans un kebab. Subhanallah. Yanni, est-ce que... La raison est là. Yanni, c'est ça que tu adores? Je lui ai dit, il m'a dit non, mais parce qu'il donne le lait. Je lui ai dit donc, alors dès que tu étais bébé et puis tu as l'été de ta mère, donc tu adores ta mère. Je lui ai dit, subhanallah. Yanni, il faut remettre les choses à leur place. Non, ça n'est pas à sa place. L'adoration, tu ne l'avoues qu'à celui qui t'a créé. Subhanallah. Le shaitan, il a vraiment... Oui. Naam. Naam. Mais ça, c'est aussi une injustice. C'est-à-dire que, par exemple, l'individu, il va jurer par autre qu'Allah. Il va jurer, je jure sur le Coran de la Mecque, ou sur la tête de ma mère, ou de mon père, de mon frère. Il va te dire ça, a'oudou billah. Si tu dois jurer, tu ne dois jurer que par Allah. Pourquoi tu jures par une créature? C'est pas Omar bin Khattab qui a dit que je préférais mentir. Abdallah ibn Mas'ud avait dit je préfère je préfère mentir en jurant par Allah que de dire la vérité en jurant sur autre qu'Allah. Mais dès qu'il dit je préfère, ça ne veut pas dire qu'il trouve ça mieux de jurer en mentant. Non, ça c'est haram, ça fait partie des péchés majeurs. Mais il veut te dire qu'il y a pire que cela. Tu jures sur autre qu'Allah, c'est du shirk. Et ça te fait tomber dans du l'associationnisme majeur qui t'exclut de l'islam si tu donnes de la grandeur à ce que tu jures. Tu vois ? Comme le footballeur, il va jurer sur Allah en mentant. Et si tu dis, bah, jure sur Messi ou sur un des joueurs, enfin, dire non. Comme il y avait, on avait vu, c'était dans... mais ça, c'était un cours qu'on avait fait sur Caen. C'est les types de polythéisme mineur, d'associationnisme mineur, où est-ce qu'il y avait un juge dans une contrée en Égypte, où est-ce que il savait qu'il y avait un individu qui avait volé. Et lui, il disait, non, j'ai pas volé. Alors, il lui a dit, jure par Allah. Alors, lui, il était prêt à jurer par Allah en mentant délibérément. Il lui a dit, alors, jure sur El Badawi. D'accord ? Parce qu'ils disent, voilà, c'est un Wali Salih, El Badawi. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu peur, une crainte. Il a eu peur que s'il jurait sur El Badawi en mentant, que le Bédélui allait abattre sur lui un châtiment. Là. Ça, par exemple, c'est un individu qui est comme ça, c'est plus un musulman. C'est plus un musulman. Parce que lui, il croit qu'un mort, il peut venir faire... Subhanallah, Allah Azza wa Jal mentionne clairement que si tu les invoques, ils ne t'entendent même pas. Et même s'ils t'entendraient, ils ne pourraient même pas te répondre. Subhanallah. Vous voyez ça ? Comment que ça peut découler de l'un à l'autre ? Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une divergence sur les savants vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que si tu jures sur le Qur'an, c'est quoi ? On te dit, c'est quoi le Qur'an ? Barakallahu fik. C'est la parole d'Allah, mais il faut rajouter quoi ? C'est pas une créature. Barakallahu fik. C'est la parole d'Allah qui est incréée, qui n'est pas créée. Pourquoi ? Parce que les Asha'ira disent qu'Allah a créé une voix et qui a dit ces versets-là. Et ça, a'oudhu billah, c'est du kufr, ça. Celui qui croit ça, c'est pas un musulman qui croit que le Qur'an, c'est une création. Barakallahu fik. Le Coran, qui est la parole d'Allah, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc, ils ont dit, il y a une divergence sur cela, mais sur quel point ? C'est pas vraiment une divergence en fait. C'est qu'ils te disent que celui qui jure sur le Coran, c'est-à-dire le livre, le mushaf, le livre avec les pages, d'accord ? Ils ont dit ça, c'est du shirk. D'accord ? Non ? Oui, mais ça c'est Allah al-Musta'an. Ça c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Il risque de nous emmener encore loin. Ça c'est déjà ceux qui rentrent avec l'histoire de la démocratie jugée par autre que diriger un pays sur autre que la sharia d'Allah. C'est encore un autre sujet qui va nous. Donc on va. Non. Non, c'est encore un autre sujet. Il y a une mécréance dedans, mais on en parlera, Inch'Allah, en temps voulu. Donc, il faut éviter, si je comprends bien, Voilà, le mas'haf, c'est celui qui jure sur cela, c'est du shirk. D'accord ? Parce que là. Mais c'est celui qui croit que c'est la parole d'Allah, ça fait un attribut d'Allah, ils disent alors là, c'est permis. Mais penses-tu que les jeunes de quartier qui tiennent les murs et qui font je sais pas quoi, et dans le deal et je sais pas quoi, et il te dit, ah oui, attends, ça c'est un attribut d'Allah, donc je peux jurer. Subhanallah, il est Allah, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ouais, mais non, ça c'est pas permis ça. Parce qu'il jure sur le mushaf. Et ça c'est pas permis. Tu vois ? Ou bien ceux qui jurent sur la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ? On entend beaucoup ça en Tunisie. Astaghfirullah, il dit, oh ras el Nabi. Ou bien ils disent brassoumouk sur la tête de ta mère. S'il te plaît, fais ça, brassoumouk. Et des gens qui viennent et prient, subhanallah. Tout ça fait partie du shirk. D'accord ? Est-ce que tu peux me rendre service ? C'est pas la même chose que brassoumouk. Bah, t'invoques Allah qu'il ait miséricorde sur lui. Ouais. Mais tu dis pas. Ouais. Non, d'accord ? Il est 14h20, on va prier, Inch'Allah. Donc, je vais juste ce point-là, Inch'Allah, bidnillah. Allah al-Musta'an. Donc, la ilaha illallah. Est-ce que vous êtes motivé jusqu'à 15h ? C'est-à-dire, on prie maintenant et après on fait jusqu'à 15h et on arrête. ou bien vous voulez qu'on arrête et puis on fait la salle des dhohr. Je sais pas, les frères. Il n'y a pas de truc. Abou Bakr. Inch'Allah, je vais juste. On va faire ça, Inch'Allah, lorsqu'on va faire. On va faire juste une pause là. D'accord. Je vais juste terminer ce point-là. Là. Et puis, on fait l'adhan et on prie directement le dhohr. D'accord, Inch'Allah. Comme ça, ça ne va pas me retarder. Si on avait été que nous, on aurait continué, Inch'Allah, parce que c'est encore l'heure du dhohr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va prier, Inch'Allah, et ensuite. On va terminer la partie, on fait maximum 15 heures. D'accord ? Inch'Allah. Pour avancer, ça nous fera 2 heures de cours. Non, ça va, là, ça commence. Mais là vous, si vous vous sentez saturé, faut le dire. D'accord ? T'es saturé ? T'es saturé ? Non, mais je dois rendre visite à un frère. Ah oui, donc c'est pour ça. Non, bah alors oui, voilà. Donc faut le dire, Eri, c'est pour cela. Donc ce qu'on va faire, Inch'Allah, barakallahu fikum, je vais terminer cette partie-là, on fait la salat d'ahr et puis on reprendra. La semaine prochaine, bi'idhnillah. D'accord ? Inch'Allah. C'est à quelle heure ton rendez-vous ? C'est en pas longtemps, là ? Inch'Allah. Non, on termine, on fait la salle de dhuhr, on y va, Inch'Allah. Juste ce point-là. فَنُخْلُصْ مِنْ هَذَا إِلَى أَنَّ الْإِسْلَامِ وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِيهِ إِنَّ الْمُرَادْ بِيهِ هُنَا الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصَحَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِقَدْرٍ مِنَ الْإِيمَانِ مُصَحَحْ لَهِ وهذا القدر من الإيمان دلنا على اشتراطه لفظ أن تشهد لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر. Voilà, on va se terminer sur ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Saleh Al Sheikh? Je vais prendre un stylo là. Faut un stylo pour terminer. Non, on écrit en papier, je veux dire. On n'écrit pas au stylo sur les livres, juste au crayon papier. Le 30. Donc il dit, eh bien, pour résumer cela, l'islam, comme ça on résume et puis on termine, Inch'Allah. L'islam, ce que les gens de science disent, c'est que ce qui est voulu dans ce hadith-là, on se rappelle, qu'est-ce qui est voulu par l'islam dans ce hadith-là, ce sont les œuvres apparentes. Mais cependant, il ne faut pas oublier que, sachant que dans l'islam, il y a les 5 piliers de l'islam, et que le premier pilier, c'est le témoignage, l'attestation de foi, qu'est-ce que ça implique cela ? Il y a la croyance. Donc en général, on dit que l'islam dans ce hadith-là, c'est l'a'mal al-zahira, ce sont les œuvres apparentes. Mais, sachant que dans le premier pilier de l'islam, il y a les 2 attestations de foi, La ilaha illallah, cette attestation de foi, nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah, celle-là implique, on avait dit, ça implique quoi ça ? Ça implique déjà la croyance, avant de le prononcer. Tu crois à cela, ça découle que tu dois croire aux 6 piliers de la foi dans leur intégralité. Puis, tu le prononces avec la langue, et tu l'informes. D'accord ? Est-ce que ça, c'est bien clair ? Parce que l'attestation, linguistiquement et selon la législation, elle est liée à ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. D'accord ? Y croire, le prononcer. Est-ce que c'est clair, ça ? Oui. Barakallahu fikum. Donc, on continuera, Inch'Allah, bi'idhnillah, la semaine prochaine. Sur les explications de Cheikh Saleh Al-Sheikh avant de commencer donc le premier pilier 2. Enfin bon, tu seras pas là, tu es en train de manger de la blebi, je pense, Inch'Allah. Mais tu peux écouter sur le direct, bi'idhnillah. Avec l'offic. Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.